attente devant ma feuille blanche, qu'il neige des mots serait délivrance. J'entends les notes en avalanche, les flocons blancs en abondance tombent à la légère comme une danse d'une régulière et chouette cadence. Où es-tu l'esprit, mon bon ami? Fertile inspiration de la nuit, tu ne viens pas seul à m'ennuyer. Qu'à un tel point tu me charries, comme on dit qui aime bien châtille. Moi j'aime les gymnopédies de Satie. Viens par ici que je te siffle un petit air qui coule lisse. Viens par ici que je te siffle un petit air qui coule lisse. Les idées défilent et abondent en tous sens, et le vagabonde disparaît tout confuse, se confondent, se moquant de moi, âmes morfondres, claires ou obscures, elles fondent comme neige au soleil qui les plombe. Doucement l'inspiration me vint par un enchantement divin, je griffonnais quelques dessins à la mine au bois brûlé de fusain, s'éclaircissant comme à dessein les idées lumières de l'écrivain. Viens par ici que je te siffle un petit air qui coule lisse. Viens par ici que je te siffle un petit air qui coule lisse. Quel bonheur d'être là à écrire n'importe quoi et d'en sourire en cette nuit blanche, noire et grise. Que la solitude met sans aiguise le ciel tout étoilé qui me grise, l'observant jusqu'au vertige pour passer au suivant paragraphe. Le texte écrit sans trop d'orthographe et sous la pointe du phonographe, un vieux vinyle gondole et piaffe à la demande du photographe. Une jolie fille s'arrobe des graphes. Viens par ici que je te siffle un petit air qui coule lisse. Viens par ici que je te siffle un petit air qui coule lisse. Le blanc papier à demi noir d'encre, le trou noir a levé l'encre. Les mots graves, aigus ou tendres ne se font guère plus attendre, et défilent à se tordre les membres qu'il n'est aisé d'en note prendre. Quel mot que pour une chanson nouvelle, cousue du fil blanc pour la dentelle, fait main des doigts d'une belle femelle dont j'entrevis le porte-jartelle dessous sa mini-jupe de laine qui me fit avoir eu envie d'elle. Viens par ici que je te siffle un petit air qui coule lisse. Viens par ici que je te siffle un petit air qui coule lisse. Quant au sujet précisément, c'est son absence que je défends. Pour l'histoire, c'est celle du vent qui souffle et siffle dans le néant. L'air de l'atmosphère a l'air pesant, c'est l'effet de serre assurément. En guise et pour toute conclusion, le soleil se lèvera tout en fusion avec la lune, aura réunion, puis glissera vers le Japon. À des milliers d'années-lumière, nous étions poussière d'étoiles, qu'on le veuille ou non. Viens par ici que je te siffle un petit air qui coule lisse. Viens par ici que je te siffle un petit air qui coule lisse. C'est à toi, Georges, que je rends hommage, toi qui brassais si bien la nage. Que tu sois de Sète ou de Carthage, tes copains passaient à l'abordage. Ta margoton, on se la partage, on en bave de son doux laitage. Depuis mon plus tendre Moyen-Âge, jouis avec soif le débitage, le grand art de ton bavardage et tout le talent de ton langage. Au-delà le troupeau de nuages, je remercie le ciel de ton passage.